بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc dans notre série de cours sur le livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى, qui est donc un livre dans l'aqida, la croyance. On avait en guise d'introduction fait une série de trois cours sur l'importance de la science, des gens de science. On avait cité des versets du Coran, expliqués par Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, sur l'importance de la science. On avait ensuite cité des preuves de la sunna. Ensuite, on avait cité des paroles de salaf sur l'importance, la préscience de la science et les gens, des gens de science. On avait ensuite consacré les cours suivants au hadith numéro 36, en tout cas une partie de 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. On s'est attaché à l'importance des assises de science dans les mosquées. Ensuite, on avait fait une série d'adab, de bons comportements à observer lors de l'acquisition de la science. Je pense qu'on en avait fait 6. Et on en avait pris 4 du livre de Cheikh Al-Uthaymin de Kitab al-Ilm. On en a fait 2 autres qui sont la crainte de la science et la clé des sciences. Et on avait fait... Et c'était le dernier, et c'était le dernier point qu'on avait fait au niveau des présciences dans la science, c'était le fait de prendre des gens de la sunna. Et j'avais fait exprès en fait de le laisser en dernier point pour que ça fasse une transition en fait au sujet d'aujourd'hui. Car inchallah, on peut dire qu'on commence à rentrer dans le livre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un cours qui est consacré à la vie de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, à sa biographie, et une défense du cheikh qui s'impose, et pour qu'on connaisse, pour qu'on sache de qui on prend ce livre, de qui on prend cette science. Donc, Inch'Allah, on commence directement en disant, avant de commencer l'étude de ce livre béni, il convient de présenter à ceux qui sont présents, à ce cours, l'auteur de ce livre. Et ce, en application de la parole authentique de Mohamed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Qui est Mohamed ibn Sirin? Mohamed ibn Sirin fait partie des Kibar al-Tabi'in, c'est-à-dire des grands parmi ceux qui ont suivi les compagnons. D'accord? C'est-à-dire la deuxième génération de l'islam. Donc il fait partie non seulement des Tabi'in, mais des Kibar al-Tabi'in. Donc cette parole, elle est rapportée par l'imam muslim dans l'introduction de son sahih, avec une chaîne de transmission authentique. Et je vous avais déjà dit lors du cours précédent que notre frère Hassan Abu Asma s'était attaché à traduire l'explication de Cheikh Ahmed Bezmoul de ce athar-là. C'est-à-dire que Cheikh Ahmed Bezmoul, qui fait partie des chouïrs connus de Salafi Ani de la Mecque, le frère de Mohamed Ben Amr Bezmoul, s'est attaché, lors d'un cours que j'ai en audio pour ceux qui le veulent en arabe, qui s'est attaché donc à expliquer, à tirer des fawaïd de ce athar de Mohamed Ibn Sirin. Cours très très important. Et Hassan Abou Asma, notre frère donc en langue française, s'est occupé et s'est attaché à le traduire, à l'expliquer. Et je pense que ça doit être disponible sur les sites internet de Dhikrullah, etc. D'accord. Donc je vous avais déjà cité en guise d'introduction, je vous avais demandé de revenir à ce cours-là qui est très très important. Donc ici, par rapport à cette parole-là, donc, qui est citée dans le chapitre de la mise en évidence que la chaîne de transmission fait partie de la religion. D'accord. C'est que la chaîne de transmission fait partie de la religion et que le fait de rapporter un hadith ne se fait que par les gens qui ont réuni les conditions pour être dignes de confiance. Et que la critique des rapporteurs sur quelque chose qu'ils ont est autorisée, mais de plus est obligatoire. D'accord ? Et que ceci, cette critique, ne fait pas partie de la médisance interdite, mais fait partie de la défense de la religion pure. Donc ça, c'est le titre du chapitre, d'accord, où vous pouvez trouver le athar. Donc cette belle parole de Mohamed Nusirin, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, est « Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum » Je traduis « Certes, cette science est une religion. Faites donc attention de qui vous prenez votre religion. » Qui est donc Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Avant de prendre de Cheikh Rabi', on doit s'attacher à savoir qui est Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Quelle est sa position en tant que savant et chez les savants? Donc qui est ce Cheikh ce noble cheikh, cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, et comment le connaître. La traduction approximative de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nahl dit fas'alu, ou plutôt on va d'abord citer le verset en arabe, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel, ce sont les savants, comme Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Mohamed Nasser Din Al-Albani, Cheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Donc qu'Allah leur fasse miséricorde à tous et les fasse entrer dans les jardins du paradis. Et peut-être nous suffirons-nous de ce que disent ces quatre imams de la communauté sur Cheikh Rabi', en tant que témoignage donc de ces savants-là par rapport à la position de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Car le temps est court, et ce même si beaucoup d'autres savants ont dit du bien de lui et ont recommandé de prendre sa science. Donc la science de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Et celui qui veut revenir à ses paroles, qu'il retourne à des livres donc qui sont spécialisés en la matière, et je pense notamment à Thana'ul Amal Badi' de Cheikh Dhoufairi, que j'avais déjà cité, je pense, au cours précédent. Donc Cheikh Dhoufairi s'est attaché à regrouper ce qu'on appelle les tezkiyat, les recommandations, les éloges des savants sur Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Donc pour celui qui veut plus de détails et savoir toute la longue liste des savants, hein, qui ont recommandé ce noble cheikh, qu'il revienne à ce livre-là. Donc nous, on va s'attacher ici plus particulièrement à voir la tezkiya des quatre grands imams parmi les imams de cette époque-ci, en l'occurrence Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil. D'accord ? Et peut-être est-il meilleur, avant justement de rapporter ce qu'ont dit ces savants sur Cheikh Rabi', de rapporter quelques points importants de sa biographie, de sa vie. La vie de Cheikh Rabi'. Donc on s'attache, Inch'Allah, à étudier ça ensemble avant de rapporter les paroles des savants. Qui est donc Cheikh Rabi'? Il est donc l'allam al-muhaddith. Donc c'est un muhaddith, un savant du hadith. Cheikh Rabi' ibn Hadi ibn Muhammad Umair al-Madkhali. Je répète pour les frères qui notent. Cheikh Rabi' ibn Hadi ibn Muhammad Umair al-Madkhali. Hafidhahullah ta'ala. Il fait partie de la tribu de al-Madakhila. Ce qu'on appelle al-Madakhila. Du sud de l'Arabie Saoudite. Il est né en l'an 1351 de l'Hégire. Calcul rapide, il a donc quel âge maintenant? 79 ans. Et il devient orphelin à un an et demi, suite au décès de son père. C'est sa mère donc qui va s'occuper de son éducation. Il rejoint à l'âge de 8 ans les cercles d'études du village. Là, il a appris l'écriture, la récitation du Coran, ainsi que le tawhid. Récitation du Coran, le tajwid, la psalmodie du Coran, et le tawhid. L'unicité, la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il étudia ensuite, donc après cela, il étudia donc cette deuxième étape, il étudia ensuite à l'école salafie de Samita. Je pense que c'est une école qui est connue chez les frères. Hein, c'est du côté, quel cher est de ce côté-là, qui sait me dire maintenant, du côté de Samita, du sud de l'Arabie? La madrasa salafia, Cheikh Ahmed ibn Nahyan Najmi était là, rahimahullah, il est décédé l'été passé. Et Cheikh, na'am, barakallahu fik, Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Et d'autres mashaykh également, parmi les plus importants qu'on cite. Et c'était qui leur Cheikh à l'époque? L'imam qui a renouvelé, qui a revivifié la da'wa salafia au sud de l'Arabie. C'est l'imam, le Cheikh de Cheikh Najmi et le Cheikh de l'Hafid al-Hakami. C'était qui leur Cheikh à tous? Al-Qara'awi, l'imam al-Qara'awi, rahmatullah alayhi. Donc là, il a étudié donc, dans cette école salafie, le madrasa salafie de Samita, qui existe encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Il y a étudié les livres Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram de quel grand savant? Hein? Ibn Hajar, barakallahu fik, na'am. Ibn Hajar al-Asqalani. Et Nuzhat al-Nazar. De qui? Nuzhat al-Nazar. Ok, on revient à Bulugh al-Maram. C'est un livre dans quelle science? Naam, qui s'attache à des points de fiqh, qui est d'Ibn Hajar al-Asqalani, qui est très connu, qui a notamment fait quel livre, quelle explication de Sahih al-Bukhari? Fath al-Bari. Maintenant, il a étudié un deuxième livre qui s'appelle Nuzhat al-Nazar. Qui sait me dire Nuzhat al-Nazar, quel est le sujet que traite ce livre et de qui est le livre? Hein? Mustalah, barakallahu fikum, naam, mustalah al-Hadith. Donc, vous voyez, on reste toujours dans le hadith. Et donc, c'est un livre de qui? De qui? Ibn Hajar aussi. Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, il a étudié ces deux livres-là. Donc, hein? C'est avec le système de questions-réponses, c'est pour que ça reste bien enraciné dans les mémoires, Inch'Allah. Boul Umaram et Nuzhat Nazar. C'est un livre qui est très connu dans le Mustalah, que notamment Cheikh Al-Uthaymin a expliqué. Il a une très bonne explication de Nuzhat Nazar et d'autres. Et le Boul Umaram, il a étudié donc ces deux livres-là chez un cheikh qui s'appelle Nasir Khaloufa At-Tayyash Mubaraki. Avec la. Nasir Khaloufa ou Khalifa. At-Tayyash Mubaraki. J'aurais dû écrire le nom en arabe, je l'écris juste en phonétique. Donc c'est un savant réputé et élève de l'imam al-Qara'awi. Vous comprenez qu'on voit que le cheikh qui était le cheikh principal à l'époque, hein, c'est l'imam al-Qara'awi, rahimahullahu ta'ala. Il a rejoint ensuite, donc on parle de cheikh Rabi' toujours, il a rejoint ensuite l'institut éducatif de Samita, où il a étudié chez de grands imams de la communauté, comme l'illustre Ahmed al-Hakami et son frère Mohammed. D'accord ? Elle a étudié également chez le Muhaddith et actuellement Mufti du sud de l'Arabie. Évidemment, le Cheikh est décédé maintenant, Rahmatullah alayh, Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi et le grand Mohammed Aman al-Jami. Mohammed Aman al-Jami, qui sont tous les deux décédés. Mohammed Aman al-Jami, grand savant, que les savants, comme nous a dit Cheikh Fala Ismail, Hafidahullah, qui nous a dit que les savants à Médine l'appelaient l'Oustad. Donc les savants appelaient Cheikh Mohammed Amal Jami Al-Oustad, le professeur. Ça c'était pour montrer la makana, la position de Cheikh Mohammed Amal Jami. Et quel est l'intérêt déjà pour savoir la position de ces gens-là, mais pour savoir aussi la position de Cheikh Rabi', la grande position de Cheikh Rabi' qui a étudié chez ces grands savants. Imaginez rien que les noms qu'on a déjà cités là, c'est déjà suffisant. Hein? Mohammed Amal Jami, spécialiste dans l'aqida. Hein? Il a écrit notamment As-Sifat al-Ilahiyya, livre très connu. Il a fait un charh al-Usul Talata. Il a fait de nombreux livres. Il a fait un charh al-Qa'il Musla de Cheikh Al-Uthaymin dans l'Asma al-Sifat. Hein? Il a fait un charh al-Tadmuriyya. Il a fait de nombreux livres. Spécialité dans l'Aqida. Donc sa spécialité, rahmatullah alayhi, c'était dans l'Aqida. Donc Cheikh Rabi' a étudié chez lui et chez Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, ancien mufti jusqu'à sa mort, mufti du sud de l'Arabie Saoudite. D'accord? Il a pris également le livre Zad al-Mustaqni', qui est un livre dans Al-Fiqh, barakallahu fiqh, qui est d'ailleurs dans le fond de la mosquée ici, que vous voyez en 15 volumes expliqués par Cheikh Al-Uthaymin. Donc Cheikh Rabi' a pris ce livre-là, Zad al-Mustaqni', chez Al-Faqih Mohamed Sagir Khamis, ou Khamisi. Et il a également étudié la langue arabe, la littérature et la prose, le balara, l'ura, hein. Il termine ses études auprès de cet institut en quelle année? En 1380. Qui sait me dire à quel âge? Chicken burger. Chicken burger. Chicken burger. Chicken burger. Désolé pour cette petite intervention. Donc en 1380, c'est-à-dire à quel âge? Il est né en 1351, donc à 29 ans. Il termine ses études auprès de cet institut, donc à l'âge de 29 ans, 1380 de l'Égypte, qui correspond à 1959 de l'ère... Hein? Si on veut, non. Et en 1381, il rejoint la faculté de Sharia de Riyad. Donc la faculté Kouliyat Sharia, donc Cheikh Rabi' passe donc à la faculté de Sharia de Riyad. Quelques mois plus tard, il rejoint la faculté de la charia de Médine, lorsque l'université de Médine ouvre ses portes. Donc vous voyez que Cheikh Rabi' fait partie des premières générations qui ont étudié à l'université de Médine. Regardez encore une fois la position de Cheikh Rabi'. Hein? Il y passe 4 ans, ce qui est le temps normal pour sortir d'une faculté à l'université de Médine. Bon, les frères francophones en général, les frères européens, occidentaux en général, ils font 6 ans parce qu'ils... Il y a les 2 ans d'arabe qui doit faire avant dans le Ba'd, avant de rentrer dans la faculté. Donc il y passe ses 4 ans et obtient son diplôme. Donc après 4 ans, à l'âge de 29 plus 4, 33 ans, hein, il obtient son diplôme en 1384 avec la mention Mumtaz, excellent. Il étudiera à l'université de Médine chez d'illustres savants comme Regardez les noms. Al-Allama, ancien mufti, grand mufti du royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Rien que ça, ça suffit. Hein? Chez lequel il a étudié notamment l'Aqida al-Tahawiyya. Livre très important dans l'Aqida al-Sunna al-Jama'a. Il a étudié chez Al-Allama Cheikh Abdel Mouhsin al-Abbad. Hafidahullah. Hein? Cheikh Abdel Mouhsin al-Abbad, muhaddith encore vivant aujourd'hui, qui est toujours à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que je pense que vous connaissez tous. Hein? Cheikh Abdel Mouhsin al-Abbad, chez qui il étudie le fiqh pendant 3 ans dans le livre Bidayat al-Mujtahid. Ensuite, Al-Allama al-Muhaddith al-Imam Cheikh Mohamed Nasser Dil Albani. Allahu Akbar. Chez qui il étudie le hadith? Chez qui il étudie le hadith? Chez le spécialiste en la matière. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Et la science des chaînes de transmission. Il étudie encore chez Al-Allama, Al-Hafid. Regardez l'awsaf qu'on leur donne. Al-Hafid, Al-Mufassir, Cheikh Mohamed Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala. Qui est auteur du fameux tafsir, comment il s'appelle? Adwa al-Bayan. Hein? Qui est un tafsir qui est le Coran par le Coran. Et quand vous voyez la sirah de beaucoup de grands mashayikh, ils ont étudié chez lui le tafsir. Donc il étudie chez lui le tafsir et les fondements du fiqh. Donc au sol le fiqh, et Cheikh Shinqiti est un ossoulé très connu. Hein, il a écrit de très beaux, notamment son fameux livre, Mudakira fi ossoul fiqh. Hein, il a écrit notamment Maraqi al-Sa'oud. Notre al-Warud, Sharh Maraqi al-Sa'oud. C'est un livre aussi dans l'ossoul. Et donc il étudie chez lui pendant 4 ans. 4 ans chez Shinqiti, rahmatullah alayh. Il étudie notamment aussi chez Cheikh Salih al-Iraqi, chez qui il étudie la aqida, la science du credo, donc la croyance al-aqida. Il étudie notamment chez Cheikh Abdul Ghaffar Hassan al-Hindi, al-Muhaddith, chez qui il prend la science du hadith et de ses termes. Hein, le mustalah. Après avoir terminé ses études à l'université de Médine, il travaille pendant un moment comme enseignant dans un des instituts de l'université, puis il rejoint le département des hautes études de l'université de Umm al-Qura, qui est à la Mecque, Na'am Mecca, où il continue ses études et obtient son magistère. Regardez la progression. Qui obtient son magistère dans la science du hadith. Toujours le hadith qui revient. Ce n'est pas pour rien qu'il est le porteur, l'étendard de la science du Jarh al-Ta'dil. Hein, comme l'a dit lui-même Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Donc, l'université d'Umm al-Qura, où il continue ses études. Donc, il ne se suffit pas de ça, il continue encore. Et obtient son magistère dans la science du hadith en 1397, d'accord, en présentant sa fameuse thèse, qui est d'ailleurs publiée en un gros volume aujourd'hui, entre les deux imams muslims et Daraqutni. Bain al-imamayn muslim et Daraqutni. Alaykum salam wa rahmatullah. Donc, il a pris son magistère. La thèse, c'est entre, le titre c'est ça, entre les deux imams, Muslim et Ad-Daraqutni. Donc, c'est une étude comparative des deux et de méthodologie, très très intéressante d'ailleurs. Et elle a été éditée en un volume. Et en 1400, donc ça c'était en 1397, 1397. Et en 1400, il obtient son doctorat. Hein, à Umm al-Qura toujours, avec toujours la mention excellent. Quelle est sa thèse de doctorat? Il a obtenu en présentant sa vérification du livre An-Nukat ala Kitab ibn Salah de Al-Hafid ibn Hajar. Livre très très très très connu dans Musalah al-Hadith et qui est rentré là-dedans, c'est Cheikh Rabi' justement, et il a fait ce qu'on appelle le tahqiq, la vérification de ce livre-là. C'est pas n'importe qui s'attache à étudier des livres comme ça et à les vérifier. Il retourne ensuite en tant qu'enseignant à l'université de Médine ou à la faculté du hadith. Donc il revient en tant qu'enseignant. Il fut ensuite à plusieurs reprises chef du département de la sunna au sein du département des hautes études. Il y occupe d'ailleurs encore actuellement une chaire permanente de professeur. Pour celui qui veut revenir donc plus en détail là-dessus sur la vie, la biographie, je pense qu'il y a un dossier qui est préparé pour les frères francophones sur le site salaf.com. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Hein? Et il y a sa biographie en français. Donc on vient de me dire que sur le site même officiel de Cheikh Rabi', il y a sa biographie, je pense, en français, parce que c'est vrai qu'il y a une partie en français, je pense même en anglais. Hein? Dikr Allah, etc. Les frères comme Hassan et d'autres frères, ils sont déjà occupés à faire sa biographie. Donc, Inch'Allah, pour ceux qui veulent plus de détails, peut revenir, ou notamment, peut-être vous pouvez trouver ça dans le début de ces livres, Inch'Allah, que des talabs ont pu présenter, d'accord. Donc pour ceux qui veulent revenir, on a cette source, alhamdoulilah, maintenant. Donc maintenant, après s'être attaché à sa biographie, où est-ce qu'il a étudié, chez qui il a étudié, chez quel savant, hein? Tu me poses une colle là, j'ai un trou de mémoire. Bidet Mujtahid, qui s'est aidé? Inch'Allah, je te donnerai le titre après, Inch'Allah. Rappelle-moi. Donc, qu'on dit maintenant les savants sur Cheikh Rabi'i? Et c'est important qu'on se concentre sur ce cours-ci, parce que je pense que c'est quand même important, avant de commencer le livre de Cheikh Rabi'i, pour vraiment connaître la makana, la position de Cheikh Rabi'i, et surtout par rapport à toutes les accusations fausses, évidemment, qui sont faites sur Cheikh Rabi'i, justement pour sa défense de la sunna et sa critique des innovateurs et des gens de l'innovation et de leur voie égarée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit les savants sur Cheikh Rabi'i? On va analyser en premier la parole de l'imminent muhaddith, le muhaddith de ce siècle par excellence, l'allama Mohamed Nasser Dil Albani, rahmatullah alayh. Donc dans une cassette intitulée, je vous dis le titre comme il est et je vous explique, hein, Rencontre avec Abou al-Hassan al-Ma'ribi. Bon, Abou al-Hassan al-Ma'ribi, tout le monde sait que c'est un innovateur, que c'est un mubtadi', hein, donc on ne comprend pas sa synthèse qu'il y a pour lui, d'accord, mais c'est juste pour vous donner le titre de la cassette, que Cheikh s'est assis une fois avec lui, et que justement, dans cette cassette, il y a une défense justement de Cheikh Rabi'i, que Ma'ribi critique entre parenthèses, hein, d'accord. Donc, Abou al-Hassan al-Ma'ribi, d'ailleurs, vous pouvez revenir sur les réfutations des ulama, il y a plus de 220 rodotes, si je me souviens bien, yani sur réfutation de Machaïr sur Abou al-Hassan al-Ma'ribi, d'accord. Donc, avec Cheikh Al-Albani, la question suivante fut posée au Cheikh, justement, dans cette assise-là, à Cheikh Al-Albani. Malgré le rang que Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali et Cheikh Mokbil bin Hadi al-Wadi'i ont atteint dans le combat contre les innovations. Donc, pourquoi spécifiquement ces deux personnes-là? Ben, c'est pour ceux qui les connaissent bien, parce qu'ils ont fait un grand, grand travail dans la critique des Mubtadi'a, dans leur combat, justement, contre les innovations et les gens de l'innovation. Donc, contre les innovations, dans leur combat contre les innovations, et les avis et les paroles égarées. Certains jeunes ont des doutes, donc malgré ça, certains jeunes ont des doutes quant à savoir si ces deux chers sont sur la voie des salafs, c'est-à-dire sur la voie salafie. Le chir, donc qui Cheikh Mohamed Nasser Dil Albani, répond en disant: sans aucun doute, nous louons Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, de faire sortir pour cette da'wa droite, basée sur le Coran, la Sunna, selon la méthodologie des salafs salih, de nombreux prêcheurs dans diverses parties des pays musulmans. Donc, il commence d'abord par une louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont ceux qui se chargent de l'obligation communautaire, alors que très peu prennent cette responsabilité dans le monde musulman aujourd'hui. C'est qui parle? C'est pas n'importe qui, c'est Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Imam, muhaddith. Hein, c'est pas n'importe qui, c'est des paroles pesées. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Albani? Il dit donc qu'il n'y a pas grand monde qui se charge de cette responsabilité-là, et qu'Alhamdoulilah, qu'il y a des gens qu'Allah Azza wa Jalla a fait qu'il y ait des gens qui s'occupent et qui s'attachent à justement à s'acquitter, voilà, c'est ça le mot, à s'acquitter de cette obligation communautaire. Donc la diminution, donc Cheikh Al-Albani continue en disant, donc la diminution de ces deux chers qui appellent au Coran, à la Sunna, et à ce sur quoi étaient les salafs salih, et qui mène la guerre contre ceux qui s'opposent à cette méthodologie correcte, comme cela est clair à chacun, cela ne peut venir que deux types de gens. Regardez, Cheikh, comment il les classe, directement. Que deux types de gens. Cela vient de quelqu'un qui est ignorant, ou de quelqu'un qui suit ses passions. S'il est ignorant, on peut lui enseigner. Al-jahl yu'allam. Mais s'il suit ses passions, alors nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de cette personne. Et nous demandons à Allah, le puissant, le sublime, de le guider ou de lui briser son dos. Regardez Cheikh Al-Albani, il parle de qui, de Cheikh Rabi'i? Regardez, c'est une défense de Cheikh Rabi'i. Alors regardez le makana de Cheikh Rabi'i. Hein? Et en outre, je veux dire que j'ai vu des écrits de Cheikh Rabi'i, donc Cheikh Al-Albani toujours qui parle, qu'on en tirait des bénéfices. Et je ne me rappelle pas avoir observé d'erreur dans ces livres, ni de déviation dans la méthodologie sur laquelle nous sommes conformément à lui. Ça, c'est ce qu'il y a ou pas? Claire, évidente. C'est une réfutation des gens qui les critiquent ou pas? C'est évident. Dans une autre cassette intitulée Al-Mouazanat, vite en passant, Al-Mouazanat, c'est une bid'a, une innovation parmi les plus dangereuses, comme dit Cheikh Rabi'i à cette époque. C'est le fait, en fait, d'imposer, de dire le bien d'un mubtadi'a quand on le critique, de faire ce qu'on appelle moisanat. Hein? Si tu veux traduire ça par contrebalancement, hein, je dis c'est une bid'a. C'est le fait d'obliger de dire le bien quand on critique la personne. Et c'est quelque chose d'innové, c'est pas connu dans le madhab salaf ça. D'accord? Donc justement une cassette que, où Charles Albani justement s'est attaché à étudier ça. Et donc Al-Muazanat, le titre complet c'est Al-Muazanat, une innovation moderne. Une innovation moderne. Donc la cassette de Charles Albani, il a ajouté à son éloge de Cheikh Rabi après avoir mis en garde donc, sur cette innovation, Al-Muazanat. Le Cheikh donc il rajoute et il dit, et en bref, je dis le porteur, c'est une parole qui est très connue chez les frères en général, je dis le porteur du drapeau de la science, Al-Jarh wa Ta'dil, c'est-à-dire la critique et l'éloge des gens, d'accord, soit critiquer les gens, soit l'éloge des gens, critiquer les gens de l'innovation, hein, et faire l'éloge des gens de la sunna. Donc le porteur du drapeau, de l'étendard, donc l'étendard de cette science-là, aujourd'hui à notre époque, est légitimement et notre frère, Rouna, docteur Rabi ibn Hadi al-Madkhali, notre frère, le docteur Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah. C'est une thèse qu'il y a ou pas? Et ceux qui le réfutent, le font, ça c'est un point très important à comprendre. Et ceux qui le réfutent, le font sans aucune science. Et la science est avec lui, Anish Rabi. Et il dit aussi, donc Cheikh Al-Albani, donc on prend dans une autre source maintenant. En annotation, Cheikh Al-Albani a fait une annotation sur la conclusion du livre Al-Awasim mimma fi kutub Sayyid Qutb min al-Qawasim. Hein, c'est un livre de Cheikh Rabi' parmi les nombreux livres de Cheikh Rabi', où Cheikh Rabi' s'est attaché à étudier l'égarement de Sayyid Qutb et ses nombreuses erreurs, hein, dans la méthodologie, dans la aqida, etc. Hein, et Cheikh Al-Albani a fait une annotation. Et il dit, donc c'est une protection, le titre complet c'est Protection contre les dangers que contient les livres de Sayyid Qutb. Le titre en français, si vous voulez le traduire, c'est Protection contre les dangers que contiennent les livres de Sayyid Qutb. Donc Cheikh Al-Albani dit, tout ce que vous avez réfuté de Sayyid Qutb est vrai et correct. Ainsi, cela deviendra tout à fait clair à chaque musulman qui a un peu d'éducation islamique, qui lit, on a dit quoi, qui lit, n'importe quel musulman qui a un peu d'éducation, qui lit, que Sayyid Qutb n'était pas un savant de l'islam. Ça, c'est un jarh. Hein? Donc, si ce n'est pas un savant, on ne va pas prendre la science de lui. Hein? Ni dans ses principes fondamentaux, ni dans ce qui découle de ses fondements. Le usul al-furu' en arabe. Qu'Allah vous récompense, du'a Cheikh Al-Albani, qu'Allah vous récompense, ô frère Rabi', pour l'accomplissement de cette obligation de clarification et l'exposé de son ignorance et égarement. Donc là, non seulement il fait l'éloge du livre de Cheikh Rabi', mais aussi du Cheikh Rabi' en tant que tel. Où sont donc, subhanallah, ceux qui prétendent tout suivre Cheikh Al-Albani par rapport à cette parole sur Cheikh Rabi'? Hein? Il y a beaucoup qui se revendiquent de suivre la méthode de Cheikh Al-Albani, hein? Sauf sur ce point-là, subhanallah. Hein? Et donc, ils continuent, ces gens-là, hein, à injurier et critiquer Cheikh Rabi'. Hein? Une petite poème en arabe. « Kullu yadda'i wasa li Layla, wa Layla la tuqir lahum bidhaka. » Tout le monde se revendique de Layla. Dit Layla, elle est à moi. Hein? Et Layla, elle n'est pas d'accord avec eux. Hein? C'est un bait que souvent les machines utilisent. Hein? Tu te dis que tu es Cheikh Al-Albani. Oh, sur Cheikh Al-Albani dans ses paroles. Pourquoi, subhanallah? Ah, parce que c'est Cheikh Rabi' et que Cheikh Rabi' il est connu pour la défense des Mubtadi'a. Et que tu as l'amour des Mubtadi'a ou de certains dans ton cœur, subhanallah. Hein? Tout le monde prétend avoir des liens avec Layla, si vous voulez peut-être la traduction vraiment très approximative, mais Layla n'est pas d'accord avec eux là-dessus. C'est le petit poème. Essayez de le retenir, c'est une belle manière de montrer à quelqu'un qui il a beau prétendre suivre, il ne suit pas en fait. D'accord? Hein? Kullu yadda'i wasla li Layla, wa Layla la tuqir lahum bidhaka. Kullun yadda'i waslan li Layla, وَلَيْلَا لَا تُقِرْ لَهُمْ بِذَاكَ. Voici maintenant la parole du deuxième imam. Donc on a fini le premier, Cheikh Mohammed Nasiruddin Albani, hein, la première pointure, le premier imam, qui suffit déjà, rien qu'à lui, ça suffit largement. Mais on rajoute, parce qu'il y a des gens, ils ont besoin un peu de... Hein, hein, on rajoute, deuxième imam de cette communauté, Al-Muhaddith Al-Allama, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Rahmatullah alayh, Cheikh Ibn Baz. Hein? Quand on entend, j'ai dit son nom, je vois beaucoup de sourires sur les visages des frères, subhanallah. Hein? Cheikh Abdelaziz Ibn Baz a été interrogé à propos de cette clarification qui est un de ses discours. Il y a répondu en date du 28 du 7, donc 1412, dans une cassette intitulée « L'explication de la clarification ». Hein, c'était à l'époque, Cheikh avait dit quelque chose, Cheikh Ibn Baz, en résumé, et certains, parmi les gens de l'innovation, spécialistes en la matière, ils ont essayé de récupérer les paroles de Cheikh Ibn Baz, et tant pis pour eux. Et Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit, ben non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. D'accord? Et dans cette clarification-là, cette explication-là, justement, il fait la défense de Cheikh Rabia. Hein, Cheikh Ibn Baz avait dit quelque chose, hein, les gens de l'innovation, vite, ils ont été prendre ses paroles pour les jeter chercher Rabia et d'autres machires de Médine à l'époque. Regardez qu'est-ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz. Cette clarification dont nous avons parlé, ce qui était visé par cela était la da'wa de chacun des prêcheurs et des savants dans une critique constructive. Et nous ne visons pas nos frères à Médine parmi les étudiants en sciences, les enseignants et les prêcheurs, ni même les gens de la Mecque, Riyad ou Jeddah. Plutôt tout le monde d'une façon générale. Hein? Et vous voyez, on a parlé avec ça quelques frères de ça tout à l'heure. Le fait de prendre parole générale et de la poser sur un cas spécifique. Attention, ça demande un dalil. Et les gens de l'innovation, ils font beaucoup ça. Parole générale, ah, Cheikh Ibn Baz, il a parlé de Cheikh Rabia. Cheikh Ibn Baz, il a dit Cheikh Rabia. Non, comment tu l'as compris? Ça, c'est ta compréhension qui découle de ta déviation du cœur. Cheikh Ibn Baz, il n'a jamais dit Cheikh Rabia. Il n'a jamais cité un nom. Donc toi, tu l'as compris comme tu as voulu le comprendre. Au contraire, il faut comprendre ça selon à la lumière de toutes les tezkiyas, toutes les recommandations et de tous les éloges que Cheikh Ibn Baz fait par rapport à Cheikh Rabia. Donc évidemment, Cheikh Rabia, il n'était pas visé. D'accord? Quant à nos frères, écoutez la suite, quant à nos frères, les mashayikhs, bien connus de Médine, nous n'avons aucun doute sur eux. Ils possèdent une croyance correcte et font partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Comme, et là, il cite les noms, comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahmatullah alayhi. Quel cheikh d'ailleurs de notre cheikh qui vient souvent ici, Cheikh Falah Ismail. Hein? Cheikh Falah Ismail, il a étudié chez beaucoup de nobles savants. C'est intéressant de lire sa biographie aussi. Elle fait plusieurs pages, hein? Rien que les noms des savants, ça fait plusieurs pages. Hein? Cheikh Falah Ismail, l'opportunité, la ni'ma d'étudier chez Cheikh Mohamed Amal Jami. Vous voyez le résultat, Cheikh Falah Ismail, docteur al-Aqida. Hafidahullah. Donc, Cheikh Mohamed Amal Jami, c'est Cheikh Ibn Baz qui parle, c'est pas moi. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi et Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, qui sont tous encore vivants à part Cheikh Mohamed Amal Jami et qui sont tous salafis jusqu'au jour d'aujourd'hui encore. Tous sont connus pour leur persévérance, leur connaissance et leur croyance correcte. C'est ce qu'il y a. Cependant, les prêcheurs vers le mensonge, hein, regardez cette expression en arabe, ceux qui chassent dans l'eau obscure, hein, sont ceux qui confondent les gens. Et ils parlent de ces questions en disant, ils visaient par cela un tel et un tel. Et ce n'est pas bien. Il est obligatoire de prendre les mots de quelqu'un selon la meilleure compréhension. Ça, c'est une règle à Ikhwa. Hein? Quand quelqu'un des gens de la Sunna dit quelque chose, on prend le mahmal hasan, hein, le bon sens. D'accord? Donc, avez-vous entendu la parole de cet imam aujourd'hui encore des sectaires al-hizbiyoun, hein, utilisent encore cette technique de prendre une parole générale, comme on a dit tout à l'heure, et de la poser sur quelqu'un de particulier? Nous leur répondons, donc là on est sorti de la parole de Cheikh Ibn Baz, hein, nous leur répondons par une règle qui dit الأصل في الكلام العام أنه يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على الدليل على التخصيص. La règle générale, elle reste sur le général jusqu'à ce qu'il y ait une preuve spécifique. Donc une preuve générale ou une parole générale, elle reste générale jusqu'à ce qu'il y ait une preuve spécifique qui indique que c'est quelque chose de spécifique. D'accord? Hein? Donc la base à la parole générale, c'est qu'elle reste générale jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui vise le particulier. Regardez, hein, subhanallah, il voue une haine viscérale à Cheikh Rabi'. Hein, ça, c'est le bon mot français, c'est viscéral, c'est en eux. Hein, tel que, comme ils n'ont aucune preuve, ils s'accrochent à des paroles générales des savants. Hein, et essayent de faire croire aux gens que la personne visée est Cheikh Rabi'. Ainsi, dans sa cassette s'accrocher au manhaj salaf, enregistré dans la mosquée de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz à Taïf, Cheikh Rabi' a donné un cours le jeudi 3 du mois de Muharram 1413, intitulé « S'accrocher au Coran et à la Sunna ». Dans ses discours, Cheikh Rabi' a incité les gens à suivre ces deux sources. Et ce, en présence de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz est à côté de lui. Dans la mosquée de qui? De Cheikh Ibn Baz, qui existe encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein? Et où Cheikh Rabi' enseigne encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein? Et ça, on va voir après que c'est une thèse qui est encore. Ça veut dire que Cheikh Ibn Baz est mort en agréant Cheikh Rabi'. Hein? Rahmatullah alayhi. Comme ça. Et après que Cheikh Rabi' ait terminé son discours, Cheikh Ibn Baz dit. Donc c'est Ta'liq de Cheikh Ibn Baz qui dit, après avoir laissé Cheikh Rabi' parler, Cheikh Rabi', Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons tous écouté, comme salam barakallahu fik, nous avons tous écouté les paroles du noble Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sur le fait de s'accrocher au livre et à la sunna et l'avertissement contre ceux qui s'y opposent. Et l'avertissement contre les causes de la division et du suivi fanatique des passions. Et il a certes réussi. C'est ce qu'il y a. Il en a parlé correctement et nous en a fait profiter qu'Allah le récompense. Dua. Et multiplie sa récompense. C'est une obligation pour toute la communauté de persévérer sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de se référer à eux pour juger des affaires. Petites ou grandes. Donc nous demandons à Allah qu'il accorde au noble Cheikh Rabi' tout le bien et qu'il récompense pour son discours. Est-ce qu'on prend la parole de Cheikh Ibn Baz ou des gens de l'innovation al-Hizbiyoun? Et dans la cassette question de Suède à Cheikh Ibn Baz, c'est des questions qui ont été posées par des frères de Suède, il fait interroger sur Cheikh Rabi'. Vous voyez que c'est une question qui revient tout le temps parce que beaucoup de doutes. Hein, et que hein, les gens de l'innovation répondent beaucoup de doutes sur Cheikh Rabi'. Et alhamdoulilah, l'ulama à chaque fois ils expliquent, alhamdoulilah. Hein? Et parmi les savants de la sunna. Donc Cheikh Rabi' il dit, Cheikh Ibn Baz dit, certes Cheikh Rabi' est parmi les savants de la sunna. Et ensuite, il mentionna Cheikh Mohamed Amal Jami. Avec lui, il dit, les deux sont connus pour leur connaissance et leur vertu. Cheikh Ibn Baz n'a pas cessé d'aimer Cheikh Rabi', rahimahullah ta'ala, ni de faire son éloge et de le recommander. Et en fait, il lui accorda la permission de quelque chose de plus grand que cela. La permission pour Cheikh Rabi' d'enseigner dans sa mosquée à Mecca, la mosquée de Cheikh Ibn Baz. Il lui donna son fameux cours sur Fath al-Majid, qui est le charh de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, d'un des petits-fils de Cheikh Mohamed al-Wahhab. D'accord, donc c'est le Kitab al-Tawhid, c'est qui l'a écrit? Mohamed al-Wahhab, rahimahullah. Et Fath al-Majid, c'est une des explications de Kitab al-Tawhid qui est faite par le petit-fils lui-même de Mohamed al-Wahhab, rahimahullah, jami'an. D'accord. Donc, Fath al-Majid qui est l'explication de Kitab al-Tawhid du petit-fils de Mohamed al-Wahhab et il continue ce cours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ceci est une preuve évidente que Cheikh Ibn Baz est mort en étant satisfait de lui et de son manhaj, yani de Cheikh Rabi'. Donc, ceux qui prétendent aimer Cheikh Ibn Baz, hein, et on va conclure là-dessus, inshallah, par rapport à Cheikh Ibn Baz, et ceux qui prétendent aimer Cheikh Ibn Baz et être sur la même voie que lui, ne devraient-ils pas être satisfaits de Cheikh Rabi' comme l'était Cheikh Ibn Baz? C'est une question qu'on va laisser sans réponse, parce que la réponse est évidente, hein, et que les gens qui ont un problème avec Cheikh Rabi' dans leur cœur, ils devraient se poser de manière honnête, hein, et essayer de trouver une réponse correcte vis-à-vis de ça. Hein? Ensuite, on continue encore. Le troisième imam, hein, le deuxième, et maintenant le troisième. Voici la parole de l'imam al-Muhaddith, savant du Yémen, Cheikh al-Allama qui Muqbil Na'am ibn Hadi al-Wadi'i. Et subhanallah, quand je cite ces paroles, j'ai sa voix en tête, subhanallah. Hein? Je ne vais pas l'imiter, mais hein? Il avait une voix très spécifique, Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi, hein? Qui rajoute à la force de la parole. Hein? Donc Cheikh Muqbil, il fut interrogé, comme il le dit lui-même dans son livre, Tuhfatul Mujib, qui est un livre de questions-réponses dans le manhaj et autres questions, d'un peu de tous les pays, c'est classé d'ailleurs, si je me souviens bien, par pays. Hein? Les questions des gens, même des Belgiques, il y a eu à l'époque de France, de Suède, etc. Et Cheikh répond, et ça a été édité, donc page 175, aux éditions Dar al-Athar. Hein? Dar al-Athar, édition yéménite. Donc, on lui a posé la question de la manière suivante. Avez-vous l'intention de réfuter Abdurrahman Abdelkhaliq? Tout le monde connaît Abdurrahman Abdelkhaliq, c'est un moubtadi' du Koweït. Hein, que tous les ulama ont mis en garde sur lui, alhamdoulilah. Ou même si tous les ulama, ce n'est pas une condition, yani les ulama ont mis en garde sur lui, ils ont montré son égarement. Et donc, on demande à la question de Cheikh Muqbil, est-ce que vous allez faire une réfutation de Cheikh Abdurrahman Abdelkhaliq dans un livre qui sera édité, yani pour que les gens en sachent? Il répondit en détail à cette question et conclut à sa réponse en disant, donc Cheikh Muqbil, moi je vois qu'il ne mérite même pas que je le réfute. Et toute la louange revient à Allah. Cheikh Rabi' s'est déjà acquitté de son obligation à ce sujet et on le remercie pour cela. Allahu Akbar. Cheikh Rabi' a parlé, ça suffit. C'est Cheikh Muqbil qui parle. Qu'est-ce que l'on va dire? Non, il y a des frères qui disent, non, Cheikh Rabi', non, mais moi je veux voir moi-même. Non, on verra. Subhanallah, Cheikh Muqbil ben Hadi, le muhaddith, l'allama, très connu. Hein? Vous connaissez Cheikh Muqbil, non? Cheikh Muqbil, subhanallah. Cheikh Muqbil, il dit ça me suffit. Jazallah khair, Cheikh Rabi', il s'acquitte. Alhamdulillah, on le remercie pour cela. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, subhanallah? Et dans la cassette intitulée « Questions de Hadramout », donc à Cheikh Moukbil, on a demandé à Cheikh Moukbil « Quel est votre avis concernant ceux qui disent que Cheikh Rabi' est irréfléchi et hâtif hein, ?» Il y en a qui se précipitent. Il répondit donc Cheikh Moukbil « Cheikh Rabi' a l'expérience dans la science de l'état actuel des affaires. Hein, » il connaît les l'waqi', il connaît. Parce qu'il a vécu avec les frères musulmans pendant une longue période. Cheikh Rabi', il connaît très très bien les frères musulmans. Il les connaît très très bien. Et c'est pour ça qu'il les réfute et qu'il a consacré une grande partie de son travail aux frères musulmans. Il connaît leurs dangers. Hein? Du coup, les frères musulmans, le groupe innové est fondé par Hassan al-Banna. Hein? Les frères musulmans. Les Khwan Muslimoun, certains ulama les appellent les Khwan Muflisoun, les Khwan Mufsidoun, hein? Mohamed Abdel les appelle Khawan. Hein? L'ulama leur a beaucoup donné de noms, mais c'est une même vérité. C'est la secte des frères musulmans. Hein? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on dise que c'est une secte, et on le dit. C'est une secte, parce que les ulama l'ont dit, ils ont des erreurs graves. Et revenez peut-être, pour ceux qui veulent plus de détails, au livre de Cheikh Najmi, Mourda Abzoulal, hein, il a consacré la moitié de son livre aux Ikhwan Muslimin, et il y a des livres entiers consacrés aux Ikhwan Muslimin. Donc, et la louange est à Allah, il est le meilleur dans la rectification de ses affaires et dans la réfutation des innovations et des innovateurs. Je demande donc à Allah de le préserver. Il a demandé, il a fait à Allah qu'Allah il préserve Cheikh Rabi'a. Dans une autre cassette qui est intitulée « Questions à propos de la sunna posée aux grands savants du Yémen hein ». Question des jeunes de Taïf. Taïf qui est une région d'Arabie Saoudite. Non. Il dit « Parmi ceux qui ont la meilleure idée et connaissance des groupes, écoutez cette parole, hein, c'est important, hein, et la pollution de ces groupes à notre époque, Cheikh Moukbil qui parle, est le frère Cheikh Rabi' bin Hadi, qu'Allah le préserve. » Vous voyez que, regardez, il y a quelque chose qui vient de manière récurrente dans ce que disent les ulama. Ils disent du bien lui comme, et ils le décrivent comme étant le spécialiste dans la matière. Et ça, il faut bien le comprendre, les porteurs de l'étendard, le spécialiste, celui qui connaît les groupes, celui qui connaît les innovateurs. Hein? Et c'est pour ça que vous voyez, subhanallah, qu'il est parmi les plus détestés. Pourquoi? Justement pour ça, subhanallah. Donc il dit, si Cheikh dit quelqu'un est un hizbien sectaire, vous découvrirez après quelques jours qu'il est vraiment un hizbien sectaire. Et Allah, Cheikh Moukbil avait raison. Chaque fois que Cheikh Rabi' a parlé à quelqu'un, subhanallah, on a vu qu'il avait raison. Vous vous le rappellerez, un individu peut se cacher au début, il ne veut pas que sa vraie nature soit découverte, mais quand il gagne de la force et des disciples, et qu'il sait que cette parole ne lui nuira pas, il se manifeste et révèle ce sur quoi il est vraiment. Donc je conseille de lire ses livres et d'en tirer profit, qu'Allah le préserve. C'est une tesquia. Voici la parole... Dernière du quatrième imam parmi les quatre grands imams, il y en a d'autres, mais parmi les quatre imams de cette communauté, Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que l'ulama l'écrit comme al-allama, al-faqih, Mohamed ibn Salih al-Uthaymin. Hein, on peut rajouter al-Nahwi, al-Usuli, hein, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah alayhi. Dans la cassette, rencontre d'al-Uthaymin avec Cheikh Rabi' ibn al-Hadi al-Madkhali et Mohamed l'imam. Regardez, trois grands chouyoukh ensemble. Mohamed l'imam de quel pays? Yémen, parmi les élèves de Cheikh Moukbil, naam, qui est un centre à lui-même, Cheikh Mohamed l'imam, pas très loin de Sana'a, hein, je pense que c'est à Ma'bar, hein, et Cheikh donne des cours là-bas, etc. D'accord? Donc il dit, certes nous louons Allah qui a permis, c'est Cheikh Al-Uthaymin qui parle, c'est pas moi, hein, Cheikh Al-Uthaymin, certes nous louons Allah qui a permis à notre frère Dr Rabi' ibn Hadi al-Madkhali de visiter cette province pour que ceux qui sont inconscients de certaines questions sachent que notre frère est du côté de la salafia, la voix des salafs. Qu'Allah lui accorde le succès ainsi qu'à nous. Et je n'entends pas par salafia que c'est un parti, un séparé, un hizb qui s'oppose à ceux qui n'en font pas partie parmi les musulmans. Écoutez ce que dit Cheikh Al-Uthaymin. J'entends plus par la salafia qu'il suit la voie des salafs dans sa méthodologie et particulièrement dans la compréhension du tawhid. Allahu Akbar. Hein? Et de la dénonciation de ceux qui s'y opposent. Allahu Akbar. Regarde Cheikh Al-Uthaymin comment il est précis dans ce qu'il dit. Et nous savons tous que le tawhid est la base du message pour lequel Allah a envoyé ses messagers, alayhi salatu wassalam. La visite de notre frère Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, dans cette province, et plus particulièrement dans notre région de Unayza, c'est la région où était Cheikh Al-Uthaymin, hein, aura sans aucun doute un effet ici. Et il deviendra clair à beaucoup de gens qu'ils étaient inconscients en raison de leur initiation, propagation, et qu'ils permettaient à leur langue de parler librement. Regardez Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que le frère va faire l'adhan, hein. Et nombreux sont les gens qui sentent la douleur pour ce qu'ils ont exposé contre les savants, quand ils leur ont clarifié qu'ils avaient raison. Faites attention, ça c'est Nasiha quelque part, faites attention que votre langue n'attaque pas les ulama. Faites attention, les frères. Wallah. C'est l'uhm l'ulama msmouma, comme les salafis disaient. Hein? Man akalaha mat wa man shammaha marid. La voix des savants l'a empoisonnée. Celui qui. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allons continuer en disant donc les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'ulama msmouma, la voix des savants, elle est empoisonnée. Celui qui la mange, men akalaha mat, celui qui la mange, il meurt. Ou men shammaha, rien que la sentir, marid, et tu deviens malade. Fais attention à ne pas approcher la chair des savants. Hein? Donc, ensuite, quelqu'un qui est dans l'assise, dit à Charles Uthimin, il y a une question concernant les livres de Cheikh Rabi'. Donc il prévient qu'il y a une question qui est posée sur les livres de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafdahullah. Cheikh Al-Athimin, regardez la réponse de Cheikh Al-Athimin, subhanallah. Regardez bien, écoutez bien. Il est clair que cette question n'a pas besoin de ma réponse. Car comme l'imam Ahmed a répondu lorsqu'il a été questionné à propos d'Ishaq ibn Rahawayh, qu'Allah leur fasse miséricorde, mes semblables m'interrogent à propos d'Ishaq, c'est plutôt Ishaq que l'on doit interroger à mon sujet. Qu'est-ce que ça veut dire de la part de Cheikh Al-Athimin? Allez vous demander sur Cheikh Rabi'. C'est à Cheikh Rabi'a que vous demandez sur moi. Allahu Akbar. Après, les Hizbin, ils viennent parler. Hein? Ils craignent pas Allah Azza wa Jal. Hein? Ils parlent sur des grands savants comme ça. Regardez la différence entre le wara, le taqwa, l'ilm des savants et comment ils connaissent les gens. Ahl bid'a al-ahwa, subhanallah. Allah al-musta'an. Il dit donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il continue en disant, j'ai déjà parlé au début de mon discours de ce que je connais de Cheikh Rabi'a. Qu'Allah lui accorde le succès. Et j'insiste encore sur ce que j'ai exposé jusqu'à présent. Et sa venue ici, et sa conversation, dans laquelle il m'a informé de ce qu'il faisait, sans aucun doute, cela est parmi les choses, écoutez bien ici, qui augmente seulement l'amour pour lui. Le Hizbin, c'est la haine qui augmente. Et nous, alhamdoulilah, c'est l'amour qui augmente pour Cheikh Rabi'a. L'amour pour lui est poussé à invoquer Allah pour lui. Qu'Allah y récompense Cheikh Rabi', jazakallah khair al-jazab, défense la communauté wa hafidahullah. Et dans la cassette intitulée La rencontre entre Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Uthaymeen concernant le manhaj, il fut interrogé sur un point de la croyance de Sayyid Qutb dans son tafsir. Écoutez bien ça, c'est très intéressant. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, on lui pose la question sur qui? Une erreur dans la croyance de Sayyid Qutb. Regardez ce qu'il va faire Cheikh Al-Uthaymeen. Il conseilla de retourner et de se référer aux spécialistes en la matière et il a cité Cheikh Abdullah Douish. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, Cheikh Abdullah Douish fait partie des grands savants, il est mort, rahimallah. Et Cheikh Abdullah Douish s'est attaché à montrer en fait les erreurs de ses trottes dans le tafsir. Et c'est un gros volume. Et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Ici, deux savants, les spécialistes en la matière, parmi les premiers, ceux qui sont consacrés à un travail, une étude des livres de ces trois tomes. Quand je dis étude, ça prouve bien que ce n'est pas une attaque comme croient les gens, c'est une étude. Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il a fait? Cheikh Hamlad Douwech Mashir, ils ont pris les paroles de ces trois tomes, son tefsir, c'est écrit, il ne l'a pas inventé, c'est écrit, tout le monde peut le voir. Et ses livres, et il a analysé sa méthodologie, il a vu que ça ne correspondait pas au Coran, à la Sunna, et donc il fallait mettre, et que cette personne ne faisait pas partie des gens de la Sunna, il n'était même pas un savant, et qu'il donc fallait mettre en garde la communauté contre ses égarements. Et on voit d'ailleurs le fruit de ses égarements, des gens qui les suivent, on voit les résultats. Hein, on doit remercier Cheikh Rabia pour ce travail-là, justement, Cheikh Abdallah Douwech et tous les machaires qui ont fait ce travail-là. Donc il fut interrogé également dans une cassette intitulée « Question de Suède sur Cheikh Rabia ». Il répondit « En ce qui concerne Cheikh Rabia, je connais du bien de lui que du bien. Et l'homme est parmi ceux qui possèdent la connaissance et le suivi de la sunna et du hadith. » C'est ce qu'il y a. Voilà donc les éloges qu'ont fait ces quatre grands imams de la communauté sur Cheikh Rabia ben Hadi al-Madkhali. Quelqu'un pourrait alors dire, hein, il y a une choubha qui va peut-être arriver, on va la rendre avant qu'elle arrive. C'est quoi? Il y a certains qui vont dire, oui, mais ces savants ont dit du bien de lui, de leur vivant. Et que maintenant, ils sont morts. Hein? Certains disent ça. Hein? On nous répond donc que, Anik, Cheikh Rabia, c'est plus ce qu'il était avant. C'est une choubha, ça. Une ambiguïté. Nous lui répondons que tous les savants ne sont pas morts. Simple réponse. Hein? Et que s'il a un doute, qu'ils prennent contact avec les savants, ça c'est une des nombreuses manières dont on peut répondre. On peut répondre simplement qu'il n'a qu'à prouver que Cheikh Rabi a changé, ce qu'il n'arrivera jamais à faire, mais ça nous suffit de dire, ils sont morts, ben, il y en a d'autres qui sont encore vivants, hein. Alhamdoulilah. Hmm? Qu'ils prennent contact avec les savants de la Sunna, comme Cheikh Abdel Jaberi, il est vivant, il est joignable. Hein? Hein? Il est joignable. À Médine, hein? Il n'a qu'à faire une Umrah, visiter Cheikh Abdel, s'asseoir avec lui, il va lui expliquer tout de suite, il va lui clarifier la situation. Hein? Ou à Cheikh Fawzan, à Riyad, encore vivant Cheikh Fawzan. D'ailleurs, Cheikh Fawzan fait partie des mashaykhs qui ont le plus préfacé les livres de Cheikh Rabia. Souvent, quand vous voulez un Cheikh Rabia, un livre, Taqdim Cheikh Al-Fawzan. Rien que ça suffit. Cheikh Fawzan, il a dit Taqdim Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Fawzan, il a préfacé le livre, ça suffit. Cheikh Zayd ben Hadi al-Madkhali, il est encore vivant dans le sud de l'Arabie Saoudite. Hein? Il est joignable aussi. Ils sont encore nombreux. Donc demandez donc à ces chours d'Arabie, ou même les chours du Koweït, comme par exemple Cheikh Fall Asmaïl. Cheikh Fall Asmaïl, chaque fois qu'il vient encore jusqu'à dernièrement, il nous disait encore toujours du bien, il défendait toujours autant Cheikh Rabi, il nous disait qu'il le visitait, et je pense qu'il va aller dans quelques jours à la Umrah, lorsque les frères partent à la Umrah ici, Inch'Allah, ils nous ont dit qu'ils allaient rencontrer Cheikh Fall Asmaïl sur place, ils vont sûrement faire des assises avec Cheikh Rabi à la maison. Ni'am al-Majalis, subhanallah, quel majlis. T'imagines, t'as un majlis, t'as gelé avec Cheikh Rabi Amin al-Madkhali, Cheikh Fall Asmaïl, encore d'autres mashaykhs peut-être qui sont là, de Toulab al-Ilm. Allahu Akbar. Hein? Donc Cheikh Fall Asmaïl ou même Cheikh Mohamed Anjari qui est venu il n'y a pas longtemps encore et qui a encore clarifié la situation. Ces gens-là sont vivants, sont joignables, ils nous visitent encore jusqu'ici. Cheikh Anjari, il n'était pas il n'y a pas si longtemps que ça, il était de passage ici à Birmingham, il nous a expliqué encore. Hein? Et d'autres chers, Cheikh Mohamed Imam qui est encore vivant au Yémen, même Cheikh Morbil n'est plus là. Celui qui veut le haq, il peut y arriver facilement, il suffit de demander. Hein? Encore une fois, face à l'ouha la dhikri, encore une fois. Et le témoignage des gens de science, c'est un point très important, c'est une qaïda. Le témoignage des gens de science est suffisant pour nous comme témoignage. Et vous vous souvenez le dars qu'on avait fait, le premier, qu'on avait cité un verset de Surat Ali Imran. Vous vous souvenez ou pas? Sur le témoignage des gens de science. Hein? Regardez, c'est une notion qui revient tout le temps dans la religion. Et Allah a cité leur témoignage dans son livre concernant la plus grande question qui exige un témoignage. C'est laquelle? Tawhid. Hein? Donc on accepte le témoignage des ulama sur le tawhid, on ne va pas les accepter dans leurs recommandations des autres savants. Et qui connaît les gens de science? Et qui peut citer les gens de science? C'est les gens de science, pas nous. Hein? Allah dans surat Ali Imran a dit... شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو ها العزيز الحكيم سورة آل عمران verset 18. Traduction approximative: Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. سورة آل عمران verset 18. Et Nasiha pour terminer, et prenez garde de ne pas ressembler à celui à propos de qui Allah a dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. On avait cité le verset en discutant avec quelques frères hier, sur la, c'est le verset sur l'importance de revenir, hein, et l'obligation de revenir aux grands savants dans, dans ce genre de masail. Hmm? Et la traduction approximative, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Mais soyons plutôt de ceux, et c'est la suite du verset, qui وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète, alayhi salam, hein, la traduction approximative du verset, et des détenteurs du commandement. Qui rentre dans Wali al-Amr, dans Oulat al-Umur? Qui rentre? Les ulama ne rentrent pas dedans. Subhanallah. Hein? Et prenez garde de ne pas être parmi ceux de qui Allah a dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui, aux traductions approximatives, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate Al-Ahzab, verset 58. Les coalisés, si vous voulez la traduction, verset 58. Et prenez garde de ne pas répéter stupidement ce que vous entendez sans vérifier. Car le prophète a dit كَفَلْ مَرْءِ كَدِبًا إِنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Hein? Il suffit à une personne pour mentir qu'il relate tout ce qu'il entend. تَثَبُّتْ يَا إِخْوَةَ الْأَخْبَارِ. Et ça, c'est le verset suivant. تَثَبُّتْ, vérifier les informations. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Dans une qira'a, فَتَثَبَّتُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Sourate Al-Hujurat, verset 6. Hein? Ô vous qui êtes. Et d'ailleurs, la deuxième qira'a, lecture du Coran, elle nous explique la première. C'est quoi فَتَبَيَّنُوا? فَتَثَبَّتُوا, vérifiez. Hein? Ô vous qui avez cru, خِطَاب للمؤمنين, hein? Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte, vérifiez que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et comme je l'ai dit, dans une autre lecture du Coran, fatathabbatu, c'est-à-dire vérifiez l'information. C'est un amr, c'est une obligation. Fatathabbatu. Ceci est grave avec le commun des mortels. Que dire alors lorsqu'il s'agit des savants de la communauté? Hein? C'est plus grave ou pas? Non, bilachak. Certains salafs ont dit, et ça j'avais déjà dit dans au cours du cours aujourd'hui, لحم العلماء مسمومة من شمها مريض ومن أكلها مات. La chair des savants, elle est empoisonnée. Celui qui la mange, il meurt. Et celui qui juste la sent, tombe malade. Faites attention de ne pas approcher de la chair empoisonnée. Faites attention de ne pas parler sur les savants sans... Hein? De ne pas parler sur la savant tout court. Et ça ne rentre pas là dans le fait de parler sur le Moubtadi'a, parce que le Moubtadi'a n'est même pas rentré dans les savants. Hein? Ça rentre dans l'obligation. Tu mets en garde quand il faut mettre en garde. On avait cité le titre du chapitre au début. La chair des savants est empoisonnée, celui qui la sent tombe malade, et celui qui la mange meurt. C'est ça que tu voulais peut-être la traduction. On a encore quelques minutes, on a fini la biographie des Cheikh Rabi' ibn Hadi Motkhali, et maintenant, après 3 cours et demi, on rentre enfin dans le livre, Inch'Allah. Je pense que je peux continuer parce que là on rentre maintenant, on a fait toutes ces traductions-là. Vous souvenez, on a fait, c'est le quatrième aujourd'hui, hein, hein? Donc presque 4 cours en entier sur la préscience des savants, la préscience de la science, l'importance de la science, l'obligation de la science. On a cité 8 versets du Coran, vous souvenez, hein, hein? On pourra à la limite une fois se les rappeler, Inch'Allah. On a apporté au moins 2 hadiths, hein, sur l'importance de la science, le fard de la science, hein, l'istighfar des malaïkas, des animaux, vous souvenez, des animaux, même les poissons dans la mer, on a dit tout ça, hein, hein, et que celui à qui Allah veut un bien, il lui apprend sa religion, donc ce qui implique, c'est que si tu n'apprends pas ta religion, Allah ne veut pas un bien. On a parlé de tout ça. En plus, on a rapporté après des paroles de salaf là-dessus, na'am. On a parlé après, on a rapporté Anitul Adab, etc. Et après, la défense sur Rabi', et maintenant, on arrive enfin dans le livre. Donc là, maintenant, on est rentré dans le livre. Pour ceux qui ont le livre, ils peuvent l'ouvrir. Et on prend donc l'introduction que Cheikh Rabi' lui-même a écrite, qui est assez courte, donc on va peut-être pouvoir la faire, Inch'Allah. Donc Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'est-ce qu'il dit? Je lis en arabe et ensuite on traduit. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina, min yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sallallahu 'alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. فهذه أحاديث شريفة ذات مواضع عظيمة اخترتها من أحاديث من أوتي جوامع الكلم والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى منها ما يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له ومنها ما يحذر من الشرك والبدع والمعاصي والمعاصي الموبقات ومنها ما يدعو إلى حب الله سين فوتر المركي إلا سإلا إن فت إلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومنها ما يدعو إلى تمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين اخترتها للطلاب الدورة التدريبية العربية الإسلامية في المستوى المتقدم والجامعي التي تقوم بها الجامعة الإسلامية التي تبنت أهدافا إسلامية كبرى منها محاولة إصلاح أحوال المسلمين الدينية والخلقية والاجتماعية ومحاولة العودة بهم إلى التمسك بالكتاب والسنة وجندت ما تملكه من إمكانيات لتحقيق هذه الأهداف السامية ومن ضمن برامجها الإصلاحية إقامة دورات تدريبية في العديد من البلدان الإسلامية لمدرسي اللغات العربية والعلوم الإسلامية في المدارس الإسلامية وقد شرحت هذه الأحاديث الشريفة شرحا أرجو أن يكون مناسبا لمكانتها ويوضح أهدافها ومقاصدها شرحت مفرداتها ووضحت مجملاتها واستنبطت ما فيها من مبادئ ومسائل ثم وضعت عليها أسئلة تدريبية تربوية يمرن الطالب على استخراج المسائل وتكون تمرن الطالب على استخراج المسائل وتكون ممارستها عنده ملكة مبدئية في الإنشاء وتنمي قدرته على التخاطب باللغة العربية وتركيب الجمل وفي الوقت نفسه ترسخ في نفسه العقيدة الصحيحة وتشد عقله ومشاعره إلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع الكتاب والسنة وإني لأرجو الله أن ينفع بها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية كما أرجو أن يتقبل الله مني هذا الجهد المتواضع وأن يجعله خالصا له إنه سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفقير إلى مغفرة الله ورضوانه ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. Donc on dit amin d'abord pour la doua kafé cheikh pour lui-même. Donc traduction, et je suis désolé si j'ai lu un peu vite, mais c'est pour qu'on ait le temps de terminer avant salat l'Isha, avant l'Iqama. Et peut-être pour les frères qui veulent prier la sunna de rak'at avant l'Iqama. Donc cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, introduit son livre avec l'introduction suivante. Certes, toute la louange revient à Allah, nous le louons et implorons son secours, et lui demandons de nous pardonner. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre nos maux et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah seul, sans rien lui associer. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et envoyé. La prière d'Allah et son salut soit sur lui ainsi que sur ses proches et ses compagnons. Cela étant dit, ces nobles traditions prophétiques traitent de sujets sublimes. La hadith qu'on est en train d'étudier, on va étudier ici, Inch'Allah, il y en a 21. Je les ai choisis parmi les traditions prophétiques de celui dont la parole est générique. Jawami al-Kalim. Hein? Qui comprend beaucoup de choses. Et qui prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ça fait référence à un verset de surat. Al-Najm. Naam. Alaykum salam. Innahu la yantaku anil hawa, innahu illa wahyu yuha. Et c'est-à-dire, il parle de qui ? C'est du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces traditions prophétiques, ahadith, certaines appellent à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et au fait de l'unifier dans l'adoration, de lui vouer une adoration exclusive plutôt, et de lui vouer une adoration sincère. Et certaines mettent en garde contre l'association, et les innovations, et les péchés capitaux. Et certaines, traditions prophétiques, certains ahadiths, appellent à l'amour d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et des croyants. Et certaines appellent au fait de se cramponner au Coran et à la Sunna, et au suivi de la voie des califes bien guidés et des imams bien guidés. Je les ai choisis pour les élèves. Donc là, il explique la raison, ce qu'on appelle sebeb ta'lif, hein, la raison pour laquelle il a écrit. Les ulama, ils n'écrivent pas sans raison. Hein? Participe au colloque de formation, donc il est écrit pour des étudiants qui participent au colloque de formation arabe islamique au niveau avancé et universitaire. Qu'organise qui ? L'université de Médine, islamique de Médine, la Jami'a al-Islamia, qui a des buts islamiques très élevés. Regardez comme ils parlent bien de la Jami'a. Parmi ceux-ci, le fait d'essayer de réformer les situations des musulmans, situations religieuses, comportementales et sociales. Ça, c'est le but de la Jami'a. Hein ? Et de ces dawrat-là. Et le fait d'essayer de les faire revenir au fait de se cramponner au Coran et à la Sunna. C'est pour ça que la Jami'a a été instituée. Hein, pour former des du'at qui vont appeler à cette da'wa-là. Et elle a mis à contribution tout ce qu'elle possède comme moyen pour réaliser ses buts élevés. Hein, vous avez vu les bourses qu'ils reçoivent, les logements, etc. C'est comme une grande infrastructure, c'est pas rien du tout. Hein. Et après, les gens du Tekfir, ils viennent dire que les hukam d'Arabie Saoudite ne sont pas musulmans. Subhanallah. Tout ce khair-là, il vient de Koufar. A'adou billah. Regardez l'ignorance, subhanallah. Regardez tout le juhd qu'ils font, toute cette infrastructure-là. Pourquoi? Pour former des douades, pour réformer la communauté. Allahu Akbar. Hein? Donc il dit, et parmi ces programmes réformateurs, l'organisation de colloques de formation dans différents pays musulmans pour les enseignants de langue arabe et des sciences islamiques. Donc c'est des colloques de formation pour justement former ce type de personnes-là, des enseignants de la langue arabe et des sciences islamiques, dans les écoles islamiques. Et j'ai expliqué, donc il a fait le charh de ces traditions-là, de ces hadiths-là, d'une manière dont j'espère, regardez la modestie du shir, qu'elle soit la plus adéquate à son degré, à sa position de l'université. Il dit, il était enseignant là-bas, il a étudié là-bas, il était enseignant là. Il dit, j'espère que mon charh va être à la hauteur de cette université-là et de son degré. Allahu Akbar. Et qui met en évidence ses buts et ses intentions. J'ai expliqué ces mots de vocabulaire, mufradat. On va voir que chaque fois dans le hadith, il y a le hadith, il donne le takhrij du hadith, où est le hadith, il rapporte la biographie résumée du rapporteur, puis il explique les mufradat, les mots du hadith. Ça, c'est une tariqa, masha'Allah, pour apprendre un hadith. On mémorise le hadith, on sait qui est le rapporteur, on connaît le vocabulaire du hadith, et puis le sens général du hadith, et les points résumés tirés du hadith. Voilà, c'est clair, synthétique. Hein? Donc il dit, j'ai expliqué ces mots de vocabulaire, éclairci ces phrases générales, et j'ai tiré de ces traditions ce qu'il y a comme base, hein? Comme qawa'id, comme usul, et comme différents points. J'ai ensuite à poser des questions comme exercice éducatif. Et ça, c'est important. Vous vous souvenez, dans le premier cours, on a fait ce genre d'exercice-là. Je vous ai mis par groupe de deux. Et Inch'Allah, on va essayer de faire ça le plus souvent possible, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, le temps est court. C'est à quelle heure aujourd'hui, 30 ou 45? Non. Je crois que c'était à 30, subhanallah. Donc, j'ai ensuite à poser des questions comme exercice éducatif qui vont former l'étudiant. Et c'est ça ici qu'on doit bien comprendre. Quelque part, Cheikh s'adresse à nous aussi, quelque part, parce qu'on lit le livre. Donc, on est en train d'essayer de se former à quoi? Hein, avoir ces notions de base là et aussi à devenir des du'a à Allah subhanahu wa ta'ala, de regarder le premier hadith qu'on va étudier, c'est quoi, pour ceux qui ont peut-être regardé dans le livre, hadith Abdul ibn Abbas sur que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal na'am ila al-Yaman. Donc c'est sur la méthodologie à respecter dans la da'wa. Pourquoi on apprend ça? Pour savoir comment faire la da'wa, c'est pour rester à la maison rien faire, hein? Même à la maison il y a une da'wa, hein? Vous comprenez ce que je veux dire par là, d'accord? C'est pas pour rien faire, c'est pour justement devenir des du'a. Donc, pour qu'ils vont former l'étudiant à extraire des thèses de ces traditions, de ces hadiths. Donc, c'est ça la méthodologie, qu'on apprenne nous à comprendre ces hadiths-là, et dont la pratique va développer chez lui une capacité majeure à la rédaction, et développer sa capacité à dialoguer en langue arabe. Parce qu'on a un grand besoin dans la communauté francophone, c'est de développer cette capacité à dialoguer en langue arabe, d'accord? Et à construire des phrases, et va en même temps enraciner en lui. Regardez tous les buts pour lesquels on. Cheikh a regroupé ces hadiths-là et les a expliqués. Hein? Et va en même temps enraciner en lui la croyance correcte. Et va amener sa raison et ses sentiments à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et à suivre le Coran et la Sunna. J'espère qu'Allah, du'a, Cheikh fait une du'a, rendra celle-ci bénéfique pour le grand nombre des enfants de cette communauté de l'islam. Regardez le ta'bir, comment il est, hein, il est doux ici. Pour les enfants, il nous appelle, nous, les enfants de cette communauté. Les enfants de cette communauté de l'islam, comme j'espère qu'Allah acceptera de moi cet effort modeste et le rendra sincère pour lui. Il est certes celui qui entend les invocations. Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons. Et regardez ce que dit le cheikh ici, écrit par le pauvre envers le pardon d'Allah et son agrément, Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali, le 16 du 4e mois de l'année de l'Hijr 1406. Ça fait déjà combien d'années? 24 ans que le cheikh a écrit le livre. Hein? Et on va terminer ici. Inch'Allah, on va laisser l'opportunité aux frères qui veulent faire le wudu, les ablutions, après la deux rak'a de la sunna, etc. Inch'Allah, et à prendre les places dans les premiers rangs. Wa jazakum Allahu khair al-jaza, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, hafidhakum Allah. Donc Inch'Allah, on va essayer de faire ça, Inch'Allah, tous les dimanches à 8h15. Des frères francophones, français qui m'ont taquiné, parce qu'on dit 8h15, hein? 8h15. Tous les dimanches, Inch'Allah, heure anglaise, je pense que c'est 9h15, heure française.